بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب سنتكلم مباشرة إن شاء الله في الحديث الربيع والعشرين الكثير حديث. قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظالم. مسلم أبو ذر الغفاري que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit lorsqu'il rapporte de son Seigneur, c'est-à-dire Hadith Qudsi: ô mes serviteurs, je me suis certes interdit d'injustice, c'est-à-dire à moi-même, et je l'ai rendu entre vous illicite. Alors ne vous lésez pas, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaytum, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, hormis celui que j'aurai guidé. Donc demandez-moi que je vous guide et je vous guiderai, afin que je vous guide. Ou plutôt, je vous guiderai. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés hormis celui que j'ai nourri. Demandez-moi de vous nourrir, alors je vous nourrirai. يا عبادي كلكم غار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Il dit: oh mes serviteurs, vous êtes tous nus hormis celui que j'aurai vêtu. Donc demandez-moi de vous revêtir, je vous revêtirai. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh mes serviteurs, vous ne cessez de fauter de jour comme de nuit et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Il a dit: oh mes serviteurs, vous ne saurez ni me nuire ni m'apporter quelque profit. يا عبادي لو أن أولكم وأخلكم وإنسكم وجنكم كانوا ولا أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Il dit: oh mes serviteurs, que si même votre premier à votre dernier parmi vos hommes ainsi que vos djinns étaient tous réunis sur un seul et même cœur de la pire des personnes, ou plutôt de la plus des personnes, la meilleure des personnes, la meilleure des hommes, cela ne rajouterait rien à mon royaume. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ولا أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. Il dit: oh mes serviteurs, si vos premiers ainsi que vos derniers et de vos hommes ainsi que de vos djinns étaient sur un seul et même cœur de la pire des personnes, pire des hommes, cela ne réduirait en rien de mon royaume. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. Il dit: oh mes serviteurs, si vos premiers ainsi que vos derniers, de vos hommes et de vos djinns, se réunissaient tous en un seul et même lieu, que chacun me demandait, et que je lui donne, et que je donne à chacun ce qu'il m'a demandé, cela n'aurait duré en rien de ce qui est auprès de moi, et cela n'aurait duré en rien de plus que ce qu'une aiguille réduirait de l'eau en l'entirant de l'eau, de la mer. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Il dit: oh mes serviteurs, ce sont seulement vos actes qui sont là que je vous dénombre et ensuite en faisant lesquels je vous rétribuerai. Celui qui trouve du bien qu'il loue Allah, et celui qui trouve autre que cela qu'il ne se fasse de reproche qu'à lui-même. Rawahu Muslim. Un hadith, en lui-même, dans son apparent, il est wadih, il est clair. Il a été dit que ce hadith, wa ashraf hadith min ahli al-Sham. Et ce hadith, c'est un hadith Qudsi. Hadith Qudsi. Yani hadith Qudsi, c'est un hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah Azza wa Jal. En fait, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été retransmise à travers la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama, ils ont divergé en disant est-ce que même les termes même sont ceux d'Allah Azzawajal ou ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Fawzan, il voit, comme Cheikh Ibn Baz, il voit que les termes en eux-mêmes sont les termes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour fermer la porte aux Asha'ira et autres, aux Mu'tazila, qui font un tang dans les sifats d'Allah Azzawajal, pour dire que sa parole allait créer. Et la différence qu'il y a entre le hadith Qudsi et l'ayat al-Qur'aniyya, car tous c'est du wahi. Même les hadith al-Ukhra al-Nabawiyya, c'est du wahi. Mais le hadith Qudsi et le Qur'an al-Karim, le farq bainahuma, c'est que le hadith Qudsi la yuta'abbad bi tilawati. C'est-à-dire quand tu le récites, tu ne t'en fais pas une adoration comme le Qur'an. D'accord, c'est pas comme le Qur'an. Tu ne vas pas faire une salat en récitant hadith Qudsi. Par exemple. Alors, c'est pas ma choix. Ou akada. Lakin wa kalamullah. Kazalik. Fafiyad al-hadith, il y a un appel divin. Nida ilahi. Lienna Allah azza wa jal yunadi ibadahu bi lafz ya ibadi. Ils appellent par omis habiteur. Qui répète à chaque fakra. Wa kama yakul ash-shaykh al-ibad jam abd. Al-ibad, c'est le pluriel de abd. Ou l'ubudiyya, ce qu'on appelle la servitude. Yani hiya at-tazallul wa al-khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de s'humilier et de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fa kullu nasin مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم كل خلق عباد لله بالمعنى العام وكلهم عباد لله مملوك لهم يتصرف فيهم مخلوقون لله لا أحد يخرج عن هذا قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا donc tous les hommes qu'ils soient croyants que soient des kuffars également les djinns ainsi que les humains, ainsi que les anges, tous sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ses serviteurs, dans le sens général. Ils sont ses sujets. Tous sont ses sujets. Ils sont assujettis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah a un contrôle total sur eux. Ils sont tous sa créature. Et personne ne sort de cela. Et là, il fait allusion à Al-Ubudiyya Al-Amma, la servitude qui est générale. Comme encore là, dans le sens, tous ceux qui sont reçus dans la terre seront donc du Rahman assujettis. فقال وهذه عبودية قهر واضطرار لا أحد يخرج عنها تجري عليهم أقدار الله وقضاؤه. Donc ça, il s'agit de la servitude qui est celle qui est, on va dire, par dominance et par contrainte. Et personne n'en sort. Tous sont sous ce qu'Allah a décrété comme destin et comme décret. Kazalik, quand on voit, mathalan, nos corps, notre physique, notre métabolisme, comment ils fonctionnent, et tout ce qui existe que nous, même que nous fabriquons, c'est sous des lois. Par exemple, est-ce qu'un homme peut voler? Un homme ne peut pas voler. Car Allah ne lui a pas permis de voler. Est-ce qu'un homme peut vivre sous l'eau longtemps comme un poisson? Il ne peut pas, car Allah ne l'a pas permis cela. Tout comme le poisson, si tu le mets hors de l'eau, il meurt. C'est la loi qui a décrété tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est tous sous sa servitude. On est amené à naître et à mourir. On a besoin de manger pour vivre, de boire, de se reposer. Tout ça, qu'est-ce qui nous l'a imposé à notre corps? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne ne sort de cela. Personne. Ni être humain, ni djinn, ni animaux. والنوع الثاني عبودية خاصة. C'est la servitude qui est particulière, spécifique. هي عبودية الاختيار تكون بطاعة الله تعالى والانقياد له وهي باختيار العبد إن شاء الله وإن شاء فعل وإن شاء تركها فهي عبودية خاصة. قال الله تعالى يا عبادي ليس لك إن عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Donc la deuxième forme de servitude, celle qui est spécifique, nous l'avons dit. C'est celle qui est faite du propre gré de la personne d'obéir à Allah. Il décide de son propre choix, de se soumettre aux lois législatives. La première, c'était les lois universelles, auxquelles personne n'échappe. Et la deuxième, c'est le fait de se soumettre à ce qu'Allah a ordonné et a légiféré dans sa religion. Car, en réalité, si le musulman de lui-même décidait d'arrêter, il peut arrêter de mentir pour la salat. Il n'y a personne qui te force à y aller. Ce qui t'y amène, c'est ton iman, ta foi, ta quoi, ta crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu le fais de ton propre chef. Et il dit dans le sens, lorsque Allah parle à Iblis, il dit, certes, mes serviteurs, tu n'as aucune autorité sur eux. Inna ibadi. Il parle de qui, là, des ibad? Des mu'minoun. Tu n'as pas d'emprise sur eux. Une emprise totale. Car ils sont sous la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فقال بعد هذا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. J'ai rendu l'injustice, je me suis interdit la justice à moi-même et je l'ai rendu illicite entre vous, alors ne vous lésez pas. يقول أولا الظلم, le ظلم في اللغة c'est وضع الشيء في غير موضعه, c'est le fait de mettre une chose hors contexte, elle n'est pas à sa place. Et le contraire de dhulm, ça peut être al-adl, également ça peut être la hikmah. Car la hikmah c'est wad'i shay fi mawdi'i, mettre la chose à sa place. Donc c'est ça, à partir du moment où tu mets une chose hors contexte, tu es injuste. Après la justice, elle varie. Nisbat ilana, par rapport aux croyants, comme a zakara al-shaykh, il y a ala thalathi aqsam, trois catégories. Al-awwalu dhulmun بين العبد وربه. Première catégorie, c'est la justice qui est entre le Seigneur et son serviteur. Ou plutôt entre le serviteur et le Seigneur. Et non pas le serviteur envers le Seigneur. Tu ne peux rien lui faire. Mais tu seras injuste entre toi et lui dans le fait que tu auras enfreint son ordre principal qui est de l'adorer ça, sans lui associer. Donc, ce volm dont on parle là, maintenant il s'agit du shirk. Et du coup, comme a dit Allah, inna shirka la zulmun azim, que le shirk est certes une injustice immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wal kafiruna hum adh-dhalimun, et que les mécréants sont eux les injustes. Donc là, c'est une injustice majeure. Al-zulm al-akbar, celui qui fait sortir de la communauté. Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum adh-dhalimun. En premier, le kafirun. Après il y a eu Zwanimoun, après il y a eu Fasikoun. Donc cette injustice, Allah ne pardonne pas à celui qui meurt dessus. Comme a dit Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru shirka bih, wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Celui qui meurt sur le shirk, cette plus grande injustice, Allah ne le pardonne pas. Mais qui pardonne en dehors de cela qui veut. Deuxième forme de zulm, c'est zulm bin al-abd wa nafsi. Que le serviteur est injuste envers lui-même. Wa yakun bil ma'asi, les péchés. Donc il se lèse à lui-même par ses obéissances qui par la suite lui seront préjudiciables. Fid dunya fil akhirah. Fid dunya wal akhirah. Illa an yatub minha akatha. Sinon tous ces péchés qui sont commis ou ces actes qui sont ces transgressions qui sont commises kadhalik nous nuisent à nous-mêmes. Donc tu es injuste envers toi-même, en faisant cela. Ou la troisième forme d'injustice, c'est al-zulm bayn al-insan wan-nas, le fait d'être injuste envers les gens. Yani bita'addi 'alayhim fi amwalihim wa 'aradihim wa dima'ihim. Le fait d'être injuste envers eux, tu les lèses dans leurs biens, dans leurs personnes, dans leur vie, tu tues injustement, tu voles, tu insultes, tu calomnies, tu médis, wakaza. Tout cela est de l'injustice. Tu escroques quelqu'un, tu trompes quelqu'un. Kullu hadha min adh-dhulm. Tu ne rends pas son droit également. Kullu hadha alayka min adh-dhulm. Et ce zulm-là, comme on l'a dit en milieu shirk, Allah le pardonne, mais il y a des conditions en premier lieu cette dunya, c'est que la personne rend le droit à ce qu'il a lésé. Et s'il ne fait pas faire du dunya, ça compte sur l'akhira. Lienna fi haqqillah al-asr musamaha. Ce qui concerne Allah Azza wa Jal, là-bas, c'est qu'il pardonne tout, hormis le shirk. Quant au droit des gens, cela leur revient à eux. Tu as lésé quelqu'un, il ne te pardonne pas, ça reste sur toi. Et s'il ne te pardonne pas, il y a des dunya, il peut récupérer Yom al-Qiyam de toi-même. Yadha, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Crains la vocation de l'injuste, ou plutôt du lésé, celui envers qui tu es injuste, car il n'y aura aucun voile entre eux, c'est une invocation pour Allah. Allah il répond à l'injuste, à lésé à Fouen contre l'injuste, contre celui qui l'a lésé. Et l'injustice est une chose, elle est la base du mal sur terre. Car à la base, l'insan, l'être humain, comme Allah Ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Que l'être humain, à la base, il est un injuste et un ignorant. C'est la base chez l'homme. Injustice et ignorance. Comme Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. Donc, kazalik, l'être humain de base, il est injuste. Et cette injustice, elle se rectifie par la suite. Par quoi? Par l'iman. Par la taqwa, par le djinn. Maintenant, quand on dit que la base chez l'homme, c'est qu'il est injuste, هذا من شأن من حيث الجنس, le genre humain. Le genre humain. D'accord? Et quand tu le vois, la plupart des gens qui ne sont pas sur l'islam, ils sont injustes. Même en dehors de leur côté kafir, ils sont injustes. Les uns vers les autres. D'où le fait qu'ils aient émis des lois pour protéger les droits des gens, qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et en islam, quand même, en islam, cette injustice reste également, mais à moindre échelle. Le musulman est arham que le kafir. Et malgré ça, le musulman qui est jahil et qui n'est pas sur le stikama, il sera injuste, déjà envers lui-même, et il sera forcément injuste envers les autres. Comme le hadith va le stipuler par la suite, à la base, nous fautons nuit et jour. Même que celui qui est droit, il aurait de devenir injuste, qu'il s'en rend compte ou pas. Après, Bébé Tauba Maftour. Donc, cette injustice, Allah Azza wa Jal l'a rendue interdite. Il a dit qu'il s'est interdit à lui-même. Donc, le zulm, laïsam sifatillah Azza wa Jal. Ben, hikmah. Car le zulm, c'est un défaut. C'est un écart. C'est un mal. Et Allah, Azza wa Jal, subhanahu, il est exempt de tout défaut. Voyez? Donc, cette injustice, il ne la fait pas si bien. Il nous a donné également d'être juste, comme Allah Ta'ala, inna Allah ya'muru bil 'adl wa ihsan wa ita'i dhi qurba. Que Allah justement il leur donne d'être juste et d'être bienfaisant. Il interdit de turpitude et ce qui est blâmable et autres. Qui nous exhorte afin que nous rappelions. Ya ibadi kullukum dalun liman hadaytu fastahduni ahdikum. Il a dit, oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés. Hormis celui que j'aurai guidé. Donc demandez-moi la guider, je vous guiderai. Donc, كذلك, كما قال تعالى لنبيه ووجدك ضالا فهدى. Que Allah t'a trouvé perdu, il t'a guidé. Il a dit ça à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il dit ضالا فهدى, dans le sens qu'il n'avait pas de révélation, il n'avait pas encore reçu l'islam. D'accord? Bien que les anbiya sont marsoumoun du shirk. Ils sont marsoumoun du shirk à la base. Même avant l'islam, avant de recevoir la révélation, ils n'ont pas commis de shirk. C'est pas possible. Il est égaré. Il ne connaît pas les rites de la législation. Cela ne s'oppose pas au fait que Allah Azzawajal nous écrit avec la fitra, le rububiyya, que ce soit cela et en nous. Kullu mouloud yalid la fitra, que chaque nouveau-né naît sur la fitra. Et cette fitra-là, par la suite, si tu n'as pas de directive, est-ce que tu sauras comment faire salat? Tu ne sauras pas. Tu sauras qu'il faut que tu jeûnes? Tu ne sauras pas. Tu sauras faire le hajj? Tu ne sauras pas. Tu sauras que cet acte est une injustice et cela est une justice, tu ne sauras pas. Donc tu seras égaré. Tu seras égaré. Donc cette fitra-là, elle ne suffit pas en elle-même. L'être humain a besoin d'apprendre par la suite. On a dit qu'il était injuste et ignorant. On ne peut pas dire qu'il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. Que Allah t'écrit sur la fitra du fait que en toi, si tu grandis, tu sauras que tu es un Seigneur, un seul, qui t'a créé. D'accord? Tu dois l'adorer. Maintenant, le reste, tu ne sauras pas comment faire. Tu ne sauras pas comment faire. Il y a même des choses liées au shirk, khafi, tu ne pourras peut-être pas les connaître également. Donc, il n'y a pas de tanako entre les nosos par rapport à ça. Donc, cette guidée, awalen, elle est à la qismain. La guidée est de deux sortes. Il y a hidayat, al-tawfiq, cette guidée qui est celle de la réussite du succès. C'est celle que Allah accorde seul. Comme qu'Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne dis pas que tu aimes, mais Allah guide qui veut. Donc cette guidée-là, elle est propre que Allah subhanahu wa ta'ala. Min asma'i al-hadi, celui qui guide. Et l'autre guidée, c'est celle de al-irshad. Tamam, wal-bayan. Al-irshad wal-bayan. Comme qu'Allah Ta'ala, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Youssef, tu guides les gens vers un chemin droit. Que cela veut dire que tu indiques vers un chemin droit. Donc cette deuxième forme de guider, tajidoha inda sa'ir an-nas mimman yani wufiqa li irshad an-nas ila hidayati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ru'usi min ulama wa du'at wa akadha. Donc l'autre guider, qui est le fait d'indiquer aux gens, de démontrer aux gens, cela peut être accordé aux gens, de façon générale. Combien de ces personnes ont été la cause de conversion de personnes, de la cause de repentir de personnes? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'Ali ibn Abi Talib, « L'anna Allah yahdi rajulan yahdik, rajulan wahidan, khilunaka min yamil humur. » Que Allah ne guide qu'un seul homme de par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges, qui étaient les meilleurs des richesses à l'époque des Arabes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien indiqué à Ali qu'il se peut qu'Allah guide par ta cause, du fait que tu appelles les gens à l'islam. Donc cette guidée, nous devons la demander. D'ailleurs, min ahamiyatiha annaha tukara kul yom salawatina khams wa la fatiha ihdina sirata mustaqim. Je le répète à chaque salat, à chaque raka'a. Ce qui revient un minimum de 17 fois par jour. Ihdina sirata mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirata allazina an'amta alayhim. Ceux dont tu as comblé de bienfaits. Cette guidée-là, les tawfiq, quand tu l'as reçue, tu te dois de remercier Allah, car tu n'aurais pu la recevoir si tu n'avais pas voulu. Ça, ce n'est la faute de personne. Tu aurais pu être devant le plus grand des ulama. Tu aurais même pu être devant être le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah, il ne veut pas te guider. Combien de gens étaient les potes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas accepté, ils l'ont combattu. Ils sont morts sur le coup, le shirk, alors qu'ils avaient devant eux le meilleur des prophètes, le meilleur des envoyés. Mais Allah n'a pas voulu leur guider. Et eux, en premier lieu, ne l'ont pas voulu non plus également. Donc le jour où tu reçois ta guidée, toi, à ce moment-là, c'est ce que tu as reçu, le bien le plus grand qu'il puisse avoir, qui a dit de donner. Car cette guidée, elle va te permettre, en premier lieu, de pouvoir cerner les choses, qui a dit de donner, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et surtout, à ça pour toi, ta cause de rentrer au Jannah, bi rahmatillahi ta'ala. Ta guidée. Car ta guidée te permettra de savoir Où aller? Comment y aller? Avec qui y aller? Et pourquoi y aller? Kulluhada. Donc là-bas, c'est que on est égaré. D'accord? Et surtout ceux qui sont convertis comme nous savent de quoi il s'agit. On se rappelle dans quoi on était, et qu'après on voit dans quoi Allah Azza wa Jalla nous a fait parvenir. On voit la différence qui est immense. Et quoi qu'on fasse, notre chouk ne sera jamais assez. On ne pourra jamais remercier autant Allah que ce qu'il nous a donné. On fait ce qu'on peut, mais ce qu'on fait comme remerciement ne sera jamais à la hauteur de ce qu'il nous a donné. Jamais. Quoi qu'il en soit, cette idée-là, comme Yaqulu Ta'ala, « Yazidullahu alladhina ihtadaw huda » que Allah rajoute de la guider à ceux qui ont été guidés dans le sens, ceux qui ont de la foi et qui sont mustaqimoun, Allah le rajoute. « Min ayatillah, min aqwalillah azza wa jal » fi kitabihi. Les gens du Jannah diront « Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah » qu'ils diront « Louange à Allah, celui qui nous a guidés sur cela, car s'il ne nous est pas guidé, on n'aurait pas pu être guidé. Sans lui, on n'aurait pas pu recevoir cela. » Abadan. Donc cette guidée-là, Allah nous dit de lui demander. Et nous l'accordera. Il nous l'accordera. Il faut faire les causes. Parmi les causes, apprendre la religion. ثم يقول يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته. Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, parmi celui que j'aurai nourri. Donc, min asma'illahi ta'ala, ar-razaq. Allah, c'est le razaq. C'est le grand pourvoyeur à la subsistance. C'est lui qui nourrit tous les êtres qui demandent d'être nourris. Yaqulu ta'ala, ma min dabatin fil ard illa ala Allah yirizquha. Qu'il n'y a pas d'animal sur terre sans que sa subsistance n'en vienne à Allah. Les animaux les plus petits que tu vois et les plus immenses que tu vois, tous, leur risque incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous également. Et nous également. Comme a dit Ta'ala, « Ara'aytum in azbaha ma'ukum ghawran, ma ma'yatikum bima'in ma'in » Voyez-vous, si votre eau était absorbée entièrement par la terre, qui donc vous apporterait une autre source? Qui? Demain, la sécheresse, il n'y a plus d'eau sur terre. Qui va donner de l'eau? Il n'y a que Allah qui peut donner de l'eau. Demain, il y a ce qu'on appelle une famine, pénurie de nourriture. Qui va donner à manger à ce moment-là? C'est Allah qui donne à manger. Et quand on dit donner à manger, c'est de donner les causes pour pouvoir obtenir ce risque. Ne serait-ce que par des graines qui poussent dans le sol et qui après apportent des arbres, qui apportent des fruits ou qui font pousser des légumes ou autres. Ou qui te donnent du gibier à portée de main que tu puisses chasser. Ou des animaux licites que tu puisses égorger et manger. Ou des poissons que tu puisses pêcher. Kullu hadha min Allah. Amen. Comme a dit Ta'ala, Amen hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Qui donc vous apporterait de la subsistance si elle la retenait? Personne. La ahad. Donc il dit de le demander. Qu'il nous nourrisse, il nous nourrira. Et après, on avait expliqué dans notre hadith les shurut du dua. D'accord, les shurut du dua. ثم قال يا عبادي كلكم عاري إلى من كسوتو فاستكسوني أكسوكم. Mes serviteurs, vous êtes tous nus, parmi celui que j'aurai revêtu. Donc demandez-moi de vous revêtir, je vous revêtirai. يقول عاري من الثياب. C'est-à-dire que tu es diminué tout vêtement. التي تستر بها عورته. Ces vêtements qui recouvrent tes parties intimes. وَيَسْتَدْفِئُ بِهَا وَيَتَجَمَّلْ بِهَا ou qui te réchauffe, d'accord, ou qui sont une parure pour toi. هَذِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا. Donc tous ces vêtements-là, sous toutes ces formes, ça vient d'Allah. Comme قَالَ تَعَالَى, dans le sens, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui recouvre votre nudité. Et également en guise de parure. Car les gens aiment les beaux vêtements. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils se revêtissent, c'est pour déjà couvrir leur partie pour beaucoup d'entre eux, et d'autres, bon, c'est pas trop leur problème. Et également pour s'embellir. Parce que les gens, ils vont pas mettre n'importe quoi sur eux comme vêtements. Ils choisissent Maintenant, tu as des marques, tu as des styles, tu as des modes, tu as plein de choses. Donc, ça prouve que les gens veulent un côté parure dans ces vêtements-là. Pour preuve, si tu faisais juste de secourir des parties intimes, là, quelqu'un, il prendrait juste, serait, moi, un sac à patates, personnel, il fait un trou rond, mais sa tête, mais ses bras, il marche. Quelqu'un va faire ça, ça va faire. Pourquoi? C'est-à-dire, j'aurais l'air ridicule dans la rue. Il va avoir une apparence décente. Il va prendre des vêtements décents. Et après, t'en as, ils vont plus que la décence. Enfin, on dit, ça vient, c'est de l'exagération. Des armoires, des pièces entières de vêtements. Des vêtements, il les met une fois, après, il les remet plus. Par exemple. Et quand bien même, tu serais quelqu'un de richissime, alors il y a trop fil, il doit être une mêle. Ça rentrera dans le gaspillage quand même. Un vêtement par jour, après tu le jettes. Razali Sumni Tawadar. Ma'an Allah, comme a dit, Inna Allah Jamil ou Kul Jamal. Que Allah, il est beau, il aime ce qui est beau. Après, la beauté, c'est une chose qui est relative. D'accord, la beauté, c'est une chose qui est relative. Et ce hadith, c'est à comprendre selon le niveau de vie des gens. La beauté de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, parce qu'il met comme vêtement, ne sera pas ça qui sera plus pauvre. Lui, il a des moyens d'avoir des vêtements faits de matière, mathélène, onéreuse, et de faits par des grands couturiers, ou je ne sais quoi. Et l'autre, il n'aura pas tout ça. Mais lui, par rapport à son niveau, s'il pense qu'il est considéré comme beau pour les gens de sa classe, son niveau social, il rentre dans le hadith. Ça ne veut pas dire que celui qui est là, qui a un beau camis blanc, bien repassé, bien lisse, et d'une belle matière, il est plus aimé auprès d'Allah que celui qui n'a pas les moyens de l'avoir et qui a ce qu'il peut à son niveau. Les deux sont pareils auprès d'Allah. Lui sera beau à son niveau et lui sera beau à son niveau. Pas mal. Donc ceux qui prennent ce genre de hadith là pour en faire trop dans leurs vêtements, on dira le hadith n'a pas été compris. لِنَّا هَذَا يُخَدِفْكَ اللَّهَ عَزَ وَجَلْ لَا يُكَلِّفُ الْنَفْسَنِ الْمُصَحَ. Puis Allah n'impose pas une âme ce qu'elle peut supporter. Tu n'as pas les moyens d'avoir cette chose-là, tu n'as pas à te la poser. Prends ce qui est à ta portée. C'est ça qu'Allah il aime. Même elle dit yusra. Et même dans le mode de vie, c'est pas que les vêtements, dans tout le mode de vie, ta maison, la nourriture que tu manges, tout. Tu vois, tout. Que yaqul Allah azza wa jal, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq. Que Allah a préféré certains d'autres dans la subsistance. Si tu n'as pas les moyens de vivre comme un tel, ne cherche pas à vivre comme un tel. Tu ne pourras pas. Tu vois, tu ne pourras pas. Et si l'autre il a de l'argent, et il ne sait quoi en faire, et t'as ça de bien. Et t'as ça de bien. Il donne justement à cette personne-là qui, elle, est dans le besoin. Non. Machaïd bin Zalika, que nous sommes tous nus à la base, parmi ce que Allah nous aura accordé comme vêtements. Et ça rend dans le risque, comme la nourriture. Et bien sûr, comme vêtements, dans ce qui est halal. Vêtements, dans ce qui est licite, à porter. On ne porte pas n'importe quoi. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Ô mes serviteurs, vous votez du jour comme de nuit et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc كذلك من أسماء الله الغفار والغفور والتواب, tous ces noms-là qui amènent à l'acceptation du pardon. Que Allah pardonne. Et comme dans des hadiths, cela est venu, que si jamais nous faisions sans nous repentir, ou plutôt, si nous ne faisions pas de péché, d'accord, nous étions marsoumoun des dhunoub, Allah nous ferait partir pour n'être qu'un peuple qui ferait des péchés, qui demanderait pardon. Allah, il te dit parmi ces sifats qu'il pardonne. Cette fête-là, elle a une utilité. Donc, comment est-ce qu'elle apparaît? Avec le péché des serviteurs. D'accord? Avec le péché des serviteurs. Cependant, le fait de fauter nuit et jour, ce n'est pas une excuse pour dire demain on fait des erreurs et après on sort le hadith. On dit naam, et kazalik, on fait tawba des fautes. La faute tu l'as faite, et tu ne dis pas à la base Allah m'a créé pour que je fasse des fautes. Tu dis non. Inna Allah la yamuru bi fahsha. Allah n'entend pas de faire des turpitudes. Seulement si tu arrives toi de t'écarter, de faire un écart, Allah te pardonnera si tu demandes pardon. Si tu demandes pardon. Et tu prends ibra de ton erreur. Pour ne pas recommencer. D'accord? Et pour, conseiller les autres également. Comme ça, Et il y a un hadith qui est venu, Kullu ibn Adam khata'un wa khayru khata'in tawwabun. Et tous les fils d'Adam sont des gens qui fautent, que les meilleurs des fauteurs, ce sont ceux qui se repentent. Ce hadith là, miyazout. Il n'est pas authentique. À la qawl, ma'anna ma'anahu sahih. Au sens, il est vrai. Oui, au sens, il est vrai. Après, il y a un khilaf, peut-être des ulama qui hassinouna. Je crois que Cheikh al-Albani, il en hassan. Quoi qu'il en soit, le sens, il est correct. Et il coordonne avec ce hadith. Répondez-vous à Allah, tous au volet, croyants, afin que vous réussissiez. Cette tauba est une cause de réussite. Donc Allah pardonne toutes les fautes. Tous les péchés, il les pardonne, hormis celui qui sera mort sur le shirk, le kufr, sans tauba. Lui, il ne sera pas pardonné. Thumma yaqul, ya ibadi, innakum lan tablughu darri, fatadurruni. وَلَنْ تَبْلُغُ نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ Ô mes serviteurs, vous ne saurez, dans le sens, c'est-à-dire, vous ne saurez ni me léser, ni m'apporter quelque bienfait, quelque profit. يقول الله غني عن عباده سبحانه وتعالى فمن كفر وأشرك وعصى الله فإنه لا يضر الله عز وجل. Donc Allah, il est le riche, il se passe de nous. Donc celui qui mécroit, ou qui associe, ou qui désobéit, il ne nuit rien à Allah. وَإِنَّمَا يَدُرُّ نَفْسَهُ إِنْ سُلُوكَ لِمَنْ قال تعالى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ Il a dit, dans le sens, si jamais vous croyez tous, ainsi que ceux qui sont sur terre, Allah, il est riche, il est loué. Il se passe de vous, dans le sens. Et كذلك, tamam, كذلك, le contraire. Et en fait, Allah Azzawajal attend de nous ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes. Quand Allah te dit de faire telle chose, de ne pas faire telle chose, tu n'apportes rien, c'est pour toi. C'est pour toi. Même nous, à notre échelle, humainement parlant, avec nos enfants ou autres, on aura, même si on demande une chose qui, on pense, ne nous apportera rien, nous apporte quelque chose. Quand tu dis à ton fils, par exemple, mange ton repas, il ne veut pas manger. Tu dis, moi, là-bas, j'ai pas faim. C'est pourquoi j'ai dû manger. Mais en réalité, s'il mange pas, toi, tu seras triste. Après, il peut tomber malade. Et avoir des choses qui, c'est toi qui vas assumer par la suite. Vraiment. Ou même, je me rappelle, des profs disaient à l'époque, quand on était à l'école, cette phrase qui était vraiment démotivante pour les élèves, quand tu étais un mauvais élève, tu te dis, de toute façon, que t'es 0 ou que t'es 20, moi, la fin du mois, j'ai la même paye. Ça me fait rien, moi. Donc, si jamais tu veux pas travailler, c'est ton problème. 0 ou 20, moi, ma paie, elle change pas. Donc, j'ai le talib, il entend ça. Tu vois, il se dit, ouais, le prof, Quoi qu'il en soit, on dit au prof, même toi. Si demain, on apprend que tous tes élèves sont tout en zéro, on va dire, t'es un mauvais prof. Tu peux te faire envoyer de l'école où tu es, ou dans ton CV, si demain tu te présentes pour notre école, on va dire, non, lui, on connaît, il était dans telle école, tous ses élèves, c'est tous des cancres. Tous des fâchés. Tous, ils ont tous échoué. Même pas le brevet des collèges, rien du tout. Et le contraire, s'ils voient qu'ils ont un prof, les élèves, ils sont studieux, ils sont de bon comportement, ils disent, lui, c'est un bon prof. Donc même lui, il dit, ça ne me change rien, ça peut changer quelque chose pour toi, par la suite. Ah, là, fi haqqillah faqat. On désobéit, ça ne lui rend rien. On obéit, ça ne n'apporte rien. Tout ça, c'est pour nous. In ahsantum, ahsantum yanfusikum. Vous faites du bien, vous faites saluer à vous-même. Le bien qu'on fait, c'est que pour nous-mêmes. Donc, quoi que tu fasses une salat, ou 10, ou 100, ou 1000, je pense dans les surrogatoires ou autres, c'est que pour toi. Allah, il aime ça. Allah, il aime ça, Azarujen, quand tu l'as fait, bien sûr, selon la sunnah, et tu le fais pas aux heures interdites, et comme il se doit, Allah, il aime ça. Allah, fi maslahatik anta. Thumma yakul, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu wala atqa kalb rajin min wahidin minkum, il a dit aux serviteurs, si de votre premier à votre dernier, c'est-à-dire le premier homme qui existait ou le dernier, vous dînes tous réunis, pareil, sur le cœur, c'est-à-dire tous, vous êtes tous les meilleurs des gens, cela n'ajoute rien à mon royaume. Ce qui revient à ce qu'on a dit précédemment. Tu ne vas rien apporter à la subhanahu wa ta'ala. Il a dit, لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي وقلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Que si votre premier et votre dernier, tous vos humains et tous vos djinns qui sont le cœur, la pire des personnes, tous les pires des criminels, cela n'enlève rien de mon royaume également. Ça, c'est en même temps pour montrer aux gens. يعني يحذر من التكبر. Ça te met en garde contre l'orgueil. Tu vois? Ou de fait, que tu dises, c'est مثلاً, tu te vantes, ou tu attribues des choses à ta propre personne. Cela, ça ne sert à rien. Allah te dit que même si tu es le pire des criminels sur terre, tous, ça ne va rien enlever ce que j'ai. نعم. وفي آخر الفقرة يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعد واحد فاسألني كل واحد وأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما كمان كسو المخيات إذا أدخل في البحر. Il a dit, si jamais vous êtes tous réunis, du premier au dernier, homme et djinn, sur un seul lieu, et que chacun me demande quelque chose, et je donne à chacun ce qu'il m'a demandé, cela ne durerait en rien, tout comme l'aiguille n'aurait dû en rien en sortant de l'eau de la mer. Fa'adil Fakra, ça nous montre l'immensité du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dis bien que si tous étaient réunis, tous, et ce n'est pas une génération, c'est depuis le début de la création de l'homme jusqu'à la fin, djinn jusqu'à la fin, tous, en un seul même lieu, et chacun demandera quelque chose. On sait ce que l'être humain demandera à Allah azzawajal. Déjà fait le hadith, donc un ibn Adam, wadi min zahab, la habba n'yakuna wadiyan. Si le fils d'Adam avait une vallée d'or, il vous donnera en avoir une deuxième. Donc, sinon, demain, vous donnez tous à demander à Allah, tout ce qu'on veut. Et on a magique ce qu'on pourrait demander. Et qu'on donnera à chacun ce qu'il a demandé, cela ne réduit rien en rien ce qui est auprès de lui. Tout comme ce qu'enlève l'aiguille parce qu'elle est tirée de l'eau. T'as vu une aiguille quand tu la prends? Rentre-la dans l'eau. On dit même pas la mer, on dit un verre d'eau. Un petit verre d'eau. Rentre l'aiguille et sort là. C'est quoi que ça sort avec? Au pire, c'est une goutte, elle glisse et elle retombe dans le verre directement. Il n'y a rien qui sort. Allah, il n'a même pas dit un verre d'eau, il a dit la mer. Pour montrer encore plus les exemples, comme il est encore plus grand. Cette aiguille, dans la mer, retire là, qu'est-ce qu'elle envoie de la mer? Rien du tout. Rien du tout. كما قال تعالى الله والغني وانتم الفقراء. Et tout ça, ça va ensemble. كما قال تعالى ولله خزائن السماوات والارض. Et que Allah, c'est lui qui a le contenu des cieux de la terre. Tout ça, ça lui appartient. وهذا في هذه الدنيا. Et tu vas voir des gens qui vont, مثلاً, voir les musulmans comme des mancuriens, comme des clochards, comme ils disent. On dit aussi richissime que tu sois dans cette dunya, que tu sois multimilliardaire. D'accord. Déjà ce genre de hadith, ça pense que tu n'as rien du tout. Parce que tu as, c'est Allah qui l'a donné. Et s'il veut demain, tu le reprends. Quoi qu'il en soit, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Khattab, quand il a dit, « Ala tuhib an yakun lana al-dunya al-akhira wa l'homme al-dunya » N'aimerais-tu pas que cette dunya soit pour eux, et nous on est l'au-delà. Il a dit bel à ce moment-là. En effet, c'est sûr. Et Adna al-Jannah, le dernier qui rentrera au paradis, qui sera le dernier qui sortira du feu, c'est-à-dire le pire des pires, des pires, des pires des musulmans. D'accord. Lui, comme a déjà fait le hadith, la trouve le Jannah, où il y a pour Allah Azza wa Jal, là qui a mis les dunya wa ashrat amsaliha. Tu auras cette dunya. Et 10 fois son équivalent. 10 fois son équivalent. Et sans compter qu'en dans le Jannah, il s'y trouve ce que tu n'as jamais vu. Et ce que tu n'imagines même pas. Comme dans la khutbah d'aujourd'hui, tu as entendu. Ce que tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire, là, demain, tu te dis, imagine qu'est-ce que tu voudrais comme chose, comme richesse. Tu veux te mettre des choses. Tu te dis, je voudrais ça. Et bien, tout ça, que tu te dis là, ici, là, par rapport au Jannah, ça vaut rien du tout. Eh bien, le pire des musulmans, des croyants, il aura 10 fois cette dunya. Et c'est-à-dire qu'il aura un contenu de choses qu'on n'imagine même pas. Donc tu leur dis à ces gens-là, tu peux prendre cette dunya si tu veux, vendre tes milliards si tu veux, prends ce que tu veux, ça ne vaut rien comparé à ce que moi j'attends, bismillah, Dieu merci. Et là, on parle de celui qui est le pire des musulmans, qui passera un temps au feu. Donc, en est-il du meilleur? Qu'est-ce qui attend le meilleur? C'est inimaginable. C'est pour ça que leur takabbour nous fait rien. Et pareil, leur mal qu'ils font, ils se font qu'à eux-mêmes. Ils nous font rien. À part un musulman qui est daïf, de fois il les voit. Il y a tamanna, comme il y a tamanna, comme Karun, il y a tamanna, comme Islam. Comme les gens qui étaient Karun, qui voulaient avoir comme lui. Le ulama, il leur disait. Tout ça, c'est rien. Al-akhir-akhirun, ou Abaka. Il leur disait. Et quand ils ont vu ce qui arrivait à Karun, c'est là qu'ils ont compris. Et tout ça, c'est des douloureux dans le Coran qu'on a. Là, qui ne sait pas beaucoup de gens qui méditent réellement sur le sens des paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les ibrahs qui vont prendre. Donc en réalité, quand on voit tout ça, les gens, dans leur dunya, on n'a rien à leur dire. Hormis une personne qui aurait beaucoup d'argent et qui dépense dans le bien. Ah, non. Car cet argent qui est là, qui est dans le bien, lui rapportera. C'est un commerce, c'est tijara, dont le bénéfice, il va prendre encore. Il n'a rien. Il sera peut-être parmi les meilleurs qui ont le niveau le plus haut de Jannah. Là, tout à l'heure, on parlait de celui qui avait le plus bas niveau. Donc, ici, l'homme le plus riche qu'il y a sur Terre, il a quoi par rapport à ce qu'il y a sur la dunya? Il pense être quoi par rapport à la dunya? Rien du tout, en réalité. Il peut avoir, il peut dire, j'ai 200 millions de dollars, ou milliards, à fois, 300 milliards de dollars, si tu veux. C'est rien, comparé à ce qu'il y a sur Terre. C'est une partie d'argent, et t'as des états, ils ont plus que toi, et t'as des pays, et des richesses immenses, que tu ne possèdes pas. C'est rien, ça, par rapport à ce qu'il y a sur Terre, je parle. Donc, qu'en est-il d'avoir 10 fois la dunya? Avec un contenu qui est inimaginable. Allahu Akbar. Nas'alallah yafu'ana mitulana jannatahu. Après, yukmil yakul. Ya ibadi, innama ya amalukum. Ursiha lakum, thumwafikum yaha. Il a dit aux mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je dénombre pour vous. Et que par la suite, dont je vous rétribuerai. Yaqul, et laissa lakum illa a'malukum. Innama ya'malukum allati ta'malunaha min khayrin aw sharrin. Fallahu azza wa jal la yu'adhibu ahadan ala ghayri 'amalihi abada. Donc il a dit, ce sont juste vos actes. Que Allah vous montre maintenant le jour de la Qiyama, il va vous montrer vos actes. Qu'ils soient des actes de bons ou des actes mauvais. D'accord ? Et que Allah ne châtiera personne pour autre que ses actions. D'accord ? Pour autre que ses actions. Fala yun'imu Allah al-kafir wa yu'adhib al-mu'min. Hadha la yaliqu bihi subhanahu, bal yad'u al-umur fi mawadi'iha wa yu'adhib al-kafir wa yun'im al-mu'min. Fadlan minhu wa ihsanan wa 'adlan wa karaman minhu subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ne donnera aucun délice au kafir. Tout comme il ne châtiera pas le croyant. Quand on dit châtier, c'est-à-dire le châtiment douloureux du kafir. Maintenant, châtiment, ça peut arriver. Amal le kafir, il n'aura aucune nirma yom l'akhiyama. Rien du tout. Quoi qu'il en soit, le châtiment du mu'min, il est temporaire. Car cela ne revient pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Au début du hadith, il a bien dit qu'il s'est rendu la justice illicite sur lui-même. Donc, comment, par la suite, le kafir pourra avoir un délice avec le mal qu'il a fait et le muslim serait puni pour le bien qu'il aurait fait? C'est pas concevable qu'Allah fasse cela. Bien qu'il en est capable, s'il veut. D'accord? S'il veut, il en est capable. Mais c'est rendu interdit en lui-même, et parmi ses sifat, al-'adl ou al-hikmah. Sinon, Allah koulou kishin kodiyali, pour faire ce qu'il veut. Donc, comme Allah met toutes les choses à leur place, il va cacheter le mécréant, et il va combler le croyant de bienfaits. Et cela, par grâce de sa part, par bienfaisance de sa part, par justice de sa part, et par honorabilité de sa part. يقول هذا دليل على ان الجزاء انما يكون على العمل لا بالنصب ولا بالجاه ولا بالحسد كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله يتقاكم. Ce qui prouve que les rétributions, elles ne seront basées que sur les œuvres, pas sur ta généalogie, pas sur ton statut social et ni ton rang auprès des gens. Là, هذا ما ينفع. Ça revient dans le hadith qu'on va prendre plus tard, que man abta'u 'amaluhu lam yuslihu 'amaluhu, nasabu. Celui dont les œuvres ont été mauvaises, ce n'est pas son statut qui va lui apporter quelque profit. Comme par exemple des gens qui sont dans la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a mis sont des gens qui sont du mal, cette descendance ne va rien leur apporter. Ils n'ont aucun fadl par rapport aux autres. Aucun fadl par rapport aux autres. Des gens disent, ouais, mon père, c'est chir un tel. Naam, mais toi, t'es tellement loin de ton père. Ça va rien t'apporter. Quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Quraysh, ou il y a Marshal Quraysh, ishtarou anfusakum, inni la unyakum dans la ishaya. Après, il a dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, ya Fatimat, bint Muhammad, salini mali machiti, la unyakum dans la ishaya. Il a dit, oh Fatima, fille de Muhammad, donne-moi ce que tu veux de mes biens, je ne pourrai rien pour toi, contre Allah Azzawajal. Donc c'est à toi d'agir en conséquence. Moi, en tant que père pour toi, je ne pourrai rien faire pour toi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça à sa fille. Sayyid al-Nisa fi Jannah. Et lui, Sayyid al-Bani Adam. Il dit, je ne pourrai rien faire pour toi. Donc, ce qui sera compté et pris en compte sont nos œuvres. Nos œuvres, nos actes. وَلِهَذَا فِي الْآخِرِ يَقُولْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Donc, celui qui voit du bien de ses actes, qui loue Allah. Qu'Allah l'a wafaq d'avoir pu accomplir de bonnes actions. Qui lui rapporteront justement cette récompense au Al-Qiyam. Et qui se disent bien que cela ne vient pas de lui. C'est Allah qui l'aura wafaq pour lui permettre de faire tout cela. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui l'aura guidé, comme on a dit au début. Ahdikum. C'est Allah qui l'aura guidé. وَيَقُولْ وَمَنْ وَجَدَ غَيْلَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّا لِنَفْسَكَ. Celui qui trouvera autre que cela, qui ne se fasse de reproche que lui-même. C'est lui qui n'aura pas agi. Et celui qui sera abandonné. Comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كل الناس يدخلون الجنة إلى من أبى. يقولوا ومن أبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. Il a dit tous entreront en Jannah à part ceux qui ont refusé. Ils ont dit qui refuserait. Il a dit celui qui m'obéit entrera et celui qui m'aura désobéi, c'est-à-dire désobéissance, et un akbar total, pas partiel, lui l'aura refusé. Donc les gens qui aujourd'hui refusent l'islam ou autre que cela sont ceux qui auront refusé. Donc à ce moment-là, le reproche ne le fasse qu'à elle-même. Bien que des fois il y a des causes, quelqu'un aura pu causer son égarement. Il y aura des lobes entre Yom Kippour. Mais à la base, le premier coupable, c'est lui-même. Le premier coupable, c'est lui-même. Alladhi akhadha al-yawma min al-hadith. Wa subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.